Körner, chant de l'épée, épée suspendue à ma gauche, pourquoi donc brilles-tu, si belle? Oh, ta joie excite la mienne. Hurrah! J'accompagne un brave guerrier, je défends un homme libre, et c'est ce qui fait ma joie. Hurrah! Ma belle épée, je suis libre, et je t'aime. Oh, je l'aime, comme une épouse. Hurrah! À toi, ma brillante vie d'acier. Ah ah, quand saisiras-tu ton épouse? Hurrah! Déjà la trompette joyeuse annonce le matin vermeil, lorsque tonnera le canon, je saisirai ma bien-aimée. Hurrah! Oh, douce étreinte, avec quel désir je t'implore. Oh, prends-moi, cher époux, ma petite couronne t'appartient. Hurrah! Comme tu t'agites dans ton fourreau épais, ta joie de sang est bien bruyante. Hurrah! Je m'agite impatiente du fourreau, parce que j'aime la bataille. Hurrah! Reste encore dans la retraite, ma bien-aimée. Reste, bientôt, je t'en ferai sortir. Hurrah! Ne me faites pas longtemps languir. Oh, que j'aime mon jardin d'amour, tout plein de beau sang rouge et de blessures épanouies. Hurrah! Sors donc de ton fourreau, toi qui réjouis l'œil du brave. Sors, que je le conduise dans ton domaine. Hurrah! Vive la liberté au milieu de tout cet éclat. L'épée brille au feu du soleil, ainsi qu'une blanche épousée. Hurrah! Braves cavaliers allemands, votre cœur ne se réchauffe-t-il pas? Saisissez votre bien-aimée. Hurrah! Qu'à votre droite Dieu la bénisse, et malheur à qui l'abandonne. Hurrah! Que la joie de l'épousée éclate à tous les yeux, qu'elle resplendisse d'étincelles. Hurrah!